sécurité, solidarité, développement. Yabeta kese nan le rire mal. Eti ega ye nan nan. Yabeta kese nan le rire mal. Ega do do na mer. Le banque gaga oa. Ne able dato. Alonu do woto. E sasa. La banque pour tous, partout au Bénin.